La nouvelle est tombée au cours de la fin de semaine. Les Capitales de Québec et l'équipe de Trois-Rivières ne joueront pas cette année. On parle évidemment des Aigles de Trois-Rivières. Tant qu'au Champion d'Ottawa, ben, la saison a été annulée également de leur bord. On parle avec le président des Capitales de Québec, Michel Laplante. Salut, Michel. Salut. Michel, évidemment, ben écoute, je pense que devant toute l'incertitude, vous avez décidé d'annuler votre saison. Je pense que c'est quelque chose de très, très sage. De très très cher. Ben en fait, oui, il y avait de la place pour une équipe sur les trois. C'est sûr que on a décidé de s'unir un peu pour avoir une équipe qui va probablement s'appeler l'équipe du Québec. On va y trouver un nom là, dans les prochaines heures. Donc, on commence la saison sur la route. Jusqu'à temps que ça se calme un petit peu. On sait que il y a eu un peu des montagnes russes là, avec la troisième vague puis tout ça, mais on espère pouvoir revenir d'ici la fin juillet, être capable de jouer des matchs, une trentaine de matchs à Québec et à Trois-Rivières, possiblement. Et on va regarder tout ça, le développement à toutes les semaines. Mais pour le moment, on va commencer nos 2 premiers mois sur la route. OK, donc c'est Pascal Labrini qui va être le gérant de l'équipe, c'est ça? Oui, absolument. Patrick qui va être d'ailleurs avec Matthew Rush de Trois-Rivières, mais Patrick va être le coach en chef, assisté des assistants qu'il va avoir cette année, puis tout ça. Donc, écoute, au début, quand la nouvelle sort, on se dit, ah, pas de capital, tout ça, mais finalement, aujourd'hui, avec la réunion des 2 équipes, de tous les gens, tout le monde est très excité. Fait que je pense qu'on va essayer de faire un peu de limonade à partir d'un citron, comme on dit dans l'expression. Puis je pense qu'on est en train d'essayer de faire de quoi de très bien. Au moins sauver le baseball pour cet été à Québec, c'est possible. OK. Donc, ce qui va arriver, évidemment, il va y avoir un camp d'entraînement des 2 équipes. Parce que l'équipe des Champions d'Ottawa, également, les joueurs des Champions vont être touchés aussi. En fait, c'est que on veut donner une chance à tout le monde de pouvoir jouer. Donc, les joueurs canadiens et québécois, des 2 formations de Trois-Rivières d'Ottawa, pourront, selon Patrick puis Mathieu, faire l'équipe ou pas, même d'avoir un camp, faire participer au camp. Mais les joueurs américains, eux, à partir de jeudi, seront dans un repêchage de toutes les équipes de la Ligue et seront prêtés pour une année. Donc, les équipes qui souhaitent avoir un de ces joueurs-là pourront repêcher à partir de jeudi. Et ça va permettre à tous les joueurs d'avoir au moins une chance de jouer cette année. OK, Michel, si on parlait un peu de la saison, est-ce que la saison est la semaine passée, quand je t'ai parlé, tu dis l'avenir des Capitales se décide bientôt. Est-ce que ça veut dire que les Capitales de Québec sont en danger? Tu m'avais dit deux, Non, c'est non? ça. Non, exactement. On a trouvé une façon de pouvoir évoluer, de présenter quelque chose. Les gens vont pouvoir suivre. Cette équipe-là sur le stream, pour plus possiblement même quelques matchs à la télévision. On va voir dans les prochains jours si on peut faire quelque chose là-dessus. On tente de trouver toutes sortes de façons avec des packages puis tout ça. Puis notre espoir, c'est de présenter une trentaine de matchs au Québec. On n'est pas sûr, mais on pense qu'à la fin juin, la plupart des gens auront reçu au moins une dose. La plupart des Américains vont être vaccinés à partir du 15-20 mai. Donc, est-ce qu'il y aura moyen à ce moment-là de pouvoir traverser la frontière à la fin juillet pour venir jouer 30 de nos 48 derniers matchs en sol québécois? C'est ce qu'on souhaite. OK, les joueurs, comment ils ont réagi face à ça? Écoute, pour vrai, il fallait que tout le monde réagisse bien. Puis je vais parler des joueurs un peu plus tard, mais juste au niveau de la Ligue. Donc, on avait besoin d'aide pour évidemment réaliser ce projet-là. L'aide est venue des 13 propriétaires qui ont voté au vote. Là, ça a été samedi après-midi, 13-0 en faveur de ce qu'on proposait, qui amenait quand même un changement de calendrier à toutes les équipes. Un aide là, au niveau de quelques de dossiers techniques qu'il fallait avoir de l'aide monétaire de leur part. On devait avoir de l'aide, on le sait, il y a quelques mois, on avait demandé à la Ville de Québec. On va avoir un montant de la part de la Ville de Québec qui vient nous soutenir dans tout ça. Il fallait avoir de l'aide au niveau gouvernemental, provincial. On nous fait un prêt. On donne quand même des bons avantages de remboursement. Donc, ça, il fallait que ça se fasse. Ça a une volonté des propriétaires, évidemment, qui vont amener quand même un certain déficit. Ils savent qu'ils vont perdre, ils savent pas comment, mais ils souhaitaient vraiment garder les 2 organisations en vie qui sont tellement impliquées dans chacune de les communautés au niveau baseball. Et après ça, évidemment, ça va être les joueurs souhaitent participer à une aventure comme celle-là. Puis je dirais que c'est presque l'unanimité au niveau des joueurs qui étaient à Québec, qui veulent tous participer à ça. Évidemment, qu'à Trois-Rivières, il y a M. Gladue que c'est possiblement difficile à cause de sa situation-là. Il vient d'avoir une maison, tout ça, puis c'est comprenable. Et il va avoir quelques cas à gauche et à droite comme ça, où c'est tout à fait normal. Les joueurs ne gagnent pas énormément à faire tout ça. Mais c'est vrai que les joueurs dans la début vingtaine, milieu vingtaine, qui veulent encore avoir un espoir de jouer, ils ont faim. Il y en a qui ont dit d'emblée à Patrick Maison. Patrick a voulu parler de conditions après, puis les joueurs disent on s'en fout, on veut juste jouer à balle. Donc, c'est un très, très beau message. Donc, et là, ce qui est le fun, c'est que tu as parlé de diffusion de match, c'est ça? Tu as parlé il pourrait y avoir Ah, certains la matchs qui pourraient être diffusion, diffusés. oui. Oui. Oui, excuse-moi, la diffusion, c'est ce qu'on tente de faire. On sait que dans la Ligue avait de toute façon pris la décision il y a quelques mois d'avoir tous les matchs sur le web. Donc, chacune des villes va avoir une diffusion web à deux caméras, trois caméras, certains à quatre, cinq caméras, ou ce qui sont plus avancés. Je pense à Rockland, entre autres, puis à Albany Tri-City, qui était d'ailleurs sur la TV dans les années passées. Donc, ils ont un système qui est encore mieux. Tout ce qu'on est capable de faire pour s'assurer que les gens puissent nous voir en action, on va le faire. Je parlais là, de diffusion même TV, donc on est en pourparlers pour savoir si on pourrait pas faire quelques matchs de temps en temps même à la télévision. Donc, c'est toutes des avenues qu'on regarde depuis samedi soir, quand on a pris la décision d'aller de l'avant, que le vote a été positif de la part des gens de la Ligue. On l'a demandé aux membres de la Ligue. Écoutez, ce serait important pour nous d'améliorer la qualité de diffusion pour que nos gens puissent nous suivre. Puis, ça a été écouté. Puis, on va voir les résultats que ça va donner. Mais ça nous donne un mois pour préparer tout ça. OK. Ben, Michel, on va te souhaiter la meilleure des chances. Le camp d'entraînement va commencer bientôt, j'imagine. Oui, 11 jours avant le 27. Donc, d'après moi, Patrick, autour du 14-15, il va pouvoir commencer son camp. On ne sait pas encore à quel endroit. Ce sera sûrement dans le nord-est américain. OK. Ben Michel, on va te surveiller d'après. Merci beaucoup, on s'en parle bientôt. Ça fait Bye. plaisir. Bonne Des journée. Capitales de Bye-bye. Québec, Michel.